Des studios de la Radio Campus de Trois-Rivières, voici Palmarès Fou édition Franco. Hey, bonjour et bienvenue au Palmarès C'est fou pour la semaine merveilleuse qu'on vit en ce moment du 13 au 19 janvier 2010. Je m'appelle Mathieu Plante et aujourd'hui, c'est l'édition francophone. Donc, on va entendre le top 20 des pièces les plus aimées des animateurs de C'est fou. On se rappelle que le numéro 1 la semaine passée était Vanessa Parietta avec Bois vert. C'était, à ma foi, excellent. On va voir si c'est encore au numéro 1. On a une seule et unique nouvelle entrée. C'est ce qu'on va faire pour commencer l'émission. C'est Charlotte Gainsbourg. Voici le chat du Café des artistes. Au Palmarès C'est fou au 89.1 FM. Et si le pain vient à manquer, je... 18. Werewolves et la rue oblique qui descendent de la 10e position pour venir se loger en 18e. C'était précédé de Agenda, de la formation Assaut, ça descend de la 8e. Et en 20e, c'était la nouvelle entrée de Charlotte Gainsbourg, le chat du Café des artistes au Palmarès, c'est fou. Dans le prochain bloc, les Maléchés et Vincent Vallière, mais débutons avec la 17e. Elle descend de deux places. C'est le fleur de ma journée par les amis au Pakistan. On est ensemble pour encore un bon bout de temps. On se rend jusqu'au numéro 1 du Palmarès francophone. Est-ce que c'est toujours Vanessa Pariétaire? Bonne question. Le monde tourne fort. En attendant, je Vous y croirez même pas. Préparez vos Kodak. C'est un soir qu'on roule les portes du chat. Y a de quoi de gros qui s'est passé dans le garage. Y a de quoi de gros qui s'est passé dans le garage. Y a de quoi de gros qui s'est passé dans le garage. Les mal léchés, le garage. Position numéro 15 du palmarès francophone. Ça descend 3 places. C'était précis de Vincent Vallière et Le Monde Tourne Fort. Ça monte de une. On a débuté le bloc avec Les Amis au Pakistan et Le Fleur de ma journée. Ça descend de 2 places avec leur album Cosmetic. Cosmic. Ou Cosmétique Cosmique. Oui. Vous êtes, comme je disais, dans l'édition francophone des palmarès. Donc, on tape un top 20 de tout ce qu'il y a de meilleur du côté francophone, selon les animateurs de cette station ici, celle que vous écoutez, c'est Fou 89.fm, la rue Campus de Trois-Rivières, Copyright 2010. Dans le prochain bloc, il y a les trois accords et Naïve, mais débutons avec la 14e et Le Monde de 2 places. C'est Méfie-toi, Méphisto. Voici Ariel. Au 89.fm, c'est fou dans vos oreilles. Au retour, les trois accords naïfs et flat dans les palmarès C'est fou édition franco. Numéro 13. Pantalón y flan. Les trois accords et ton pantalon est plein. En position numéro 12, ça monte de 6 places. C'était précédé de Naïve, oui, avec Echo qui est stable. On a débuté le bloc avec Ariel et Mephisto à Mephisto. Ça monte de 2 places. C'est en 14e position. Vous êtes à l'édition francophone des palmarès C'est fou. Je vous rappelle que vous pouvez aller voir le www.cfou.ca pour voir le palmarès au grand complet. Et sur assemblagerequis.com, il y a la balado-diffusion et les liens de l'émission. Donc www.assemblagerequis.com et cfou.ca. Voilà. Dans le prochain bloc, Shampoing et Marie-Pierre Arthur. Commençons avec la 11e. Ça monte de 3. Voici Flat et Sexy Délique au 89 FM. C'est fou dans vos oreilles. Silence, comme un coup. numéro 9. Les richesses de la flore par Shampoing, c'est stable en 9e position francophone. Avant, c'était Marie Arthur et Elle qui montent d'une place. Et on a débuté avec Flat et Sexy Delic qui montent de 3 et qui ne tombent pas encore à plat ou flat. Ouais. Plus j'essaye de faire le jeu de mots proches, plus ils sont vraiment, vraiment poches. Donc, cool! Yeah! Prochain bloc, Elephantine et Valence Parietaire. On débute avec Orange, Orange, Voici et Je pleure. Et ça, ça monte de la 19e place. C'était nouveau la semaine dernière. Donc, bravo, Orange. Ceux qui ont séché leur pleurs. Vous êtes au palmarès, c'est fou, au 89 FM. Pas obligé de le retenir, par contre. Pas obligé de rester non plus. Je regarde la neige qui tombe, la fenêtre contre le nez. Puis je pense aux enfants du tiers-monde qui vont naître contre leur gré. J'imagine une fleur sur la tombe d'un soldat qu'on a égaré sous les cadavres et les décombres de tout mon cœur. Et je pleure toute la journée, et je pleure pour me soulager, et je pleure pour l'humanité. Je pleure et je pleure et je pleure et je pleure et je pleure et je pleure et je pleure. I'm in need of some deep attention. I want to walk in a brand new dimension. Keep my heart from breaking apart. Tell me when will our story start?

Retour Éléphantine, Mimi Van Der Glo et Fred Fortin dans les Palmarès C'est Fou édition Franco. Fantine est debout dans la file. C'est la position numéro 6. Ça monte de la 20e. Imaginez comment ça monte, ça. Ça, c'est pas... Non, mais sérieusement, Fantine a juste à faire une pièce à un moment donné, puis boum, directement au sommet la semaine d'après presque. C'est comme ça. C'est parce que c'est bon. Juste avant, c'était Valès Pariotaire qui était au numéro 1 la semaine dernière et qui descend de 6 places avec Bois Vert. Et on a débuté le bloc avec Orange Orange et la pièce Et je pleure. Ça, ça monte de la 19e. Donc, quand même, hein, Fantine de la compétition de la part de Orange Orange qui, eux aussi, ont décidé de monter très, très vite. Vraiment, là, c'est comme. OK, dans le prochain bloc, il va y avoir du Hôtel Morphée et du Fred Fortin. Je m'emporte dans mes niaiseries qui ont même pas d'allure et qui sont même pas drôles. C'est génial. Donc, Hôtel Morphée et Fred Fortin, on débute avec Mimi Van Der Glo. Voici leur succès. Demain, je travaille au 89.fm. C'est les Palmarès C'est Fou, édition Franco.

Hôtel Morphée et Danse sur les toits, c'est stable en troisième position. Même chose pour Fred Forte en quatrième avec Dollarama. Et au début du bloc, c'était Demain je travaille qui monte de deux places par la formation locale Mimi Van Der Glo. On est presque déjà rendu au numéro 1 de notre palmarès francophone ici à C'est fou. Ah, que les choses vont vite, hein. Et beaucoup de choses qui changent de place. Et apparemment que notre numéro 1, ben, c'est pas la même pièce que la semaine passée. Parce que la semaine passée, c'était Valès Pariétaire avec Bois Vert. Et c'est descendu en septième. Donc, qui a pris la position, la position de la pole, finalement, comme on pourrait dire en français. Avant de passer au numéro 1, par contre, il nous reste le numéro 2. Voici donc Chinatown. Et tu es un hit au palmarès C'est fou au 89.1 FM. Je te donne ma vie. Et crois-moi qu'elle est chouette, ma vie. Mes souliers souillés sur le dance floor, à t'écouter battre des cils. Oh ma chérie, tu es un hit. Ton corps est une plage au milieu des tristesses. Oui, je le veux qu'on lit dans les yeux des garçons quand tu passes près d'eux. Tes yeux de chanson triste, oh si triste. Oh ma chérie, tu es un hit. Ton corps est une plage au milieu des tristesses. Moi je te tiens la porte. Et allons battre la semaine en des tas de feuilles mortes. Je ferai en sorte que tu sois mon escorte. Jusqu'à ce que l'ennui nous sépare. Jusqu'à ce que la nuit nous répare de ces voyages au calende. Oh ma chérie, tu es un hit. Ton cœur est une plage au milieu des tristesses. Et si tu t'en vas, moi je te tiens la porte. Et allons battre la semelle dans des tas de feuilles mortes. Oh ma chérie. Ton cœur est une plage au milieu des tristesses. Chinatown, et tu es un hit en position numéro 2 du palmarès francophone. Ça monte de 4 places et ça vient de leur album Cité d'or. On est déjà rendu à la position numéro 1. Vous le savez, quand on arrive à ce moment-là, c'est là que je fais mes jeux de mots, tu sais, mes jeux de mots extraordinaires et révolutionnaires sur la position numéro 1. Bon, hein? Non, mais c'est mon petit plaisir à moi. C'est mon petit bonbon. Hein? Bonbon candy. Candy, non, ça vous dit rien du tout? Non. C'est pas malade, hein? C'est pas très, très fort. C'est pas très, très fort comme une brute qui pourrait être fort. Et en première position. Plus, est-ce encore et plus. numéro 1 du palmarès francophone de C'est fou cette semaine. Avant de dire le numéro 1, on fait un petit récapitulatif, comme toujours. En troisième place, c'est Stable, Danse sur les toits de Hôtel Morphée. En deuxième, c'est Chinatown avec Tu es un hit qui monte de 4 places. Et on vient d'entendre Patrick et les Brutes avec Chez Candy. Donc, en disant le titre, j'espère que vous comprenez mes jeux de mots. Ça a monté d'une place et ça a pris 7 semaines avant de se rendre au sommet. C'est l'album Toutes les filles sont folles, moi. Voilà donc pour les palmarès C'est fou de la semaine du 13 au 19 janvier 2010. On va se quitter avec La descente du coude et Parle pâle, qui est un bon vieux succès des palmarès, un genre de classic gold hit. Le temps avant ça de vous dire que nous, on se quitte pour les auditeurs du vendredi. On s'en va rejoindre les lutins de l'enfer dans quelques minutes. Ils s'en viennent là à partir de 20h. Nous, les jeudis, parce que les palmarès C'est fou sont diffusés originellement les mercredis et jeudis de 13h à 15h. Et bien, on va se compléter ça avec une quatrième demi-heure. Je pense que ça a du sens comme ça. Avec, entre autres, le top 30 des CD et le top 3 des disques canadiens. On va voir aussi, peut-être qu'on va faire un petit peu de top 10 loud. Mais pour l'instant, la descente du coude et parle pâle. À très bientôt. Bye bye. Bonjour, c'est la deuxième partie des Palmarès C'est fou. Vous savez qu'on a comme une demi-heure additionnelle, nous, les mercredis et jeudis, en direct comme ça, une demi-heure avant l'assemblage requis. C'est excitant! Donc, tantôt, à la fin de l'édition régulière des Palmarès, on a entendu une pièce qui commençait par D. Ben, en fait, un groupe commençait par D, la descente du coude, et ça m'a donné envie de faire un autre de mes célèbres blocs, l'alphabet des Palmarès. Donc, qu'est-ce qui suit après la lettre D? Ben, c'est bien évidemment la lettre E, donc on va l'entendre tout de suite. Elliot Broad, voici Write It All Down For You. Au 89 FM, c'est fou dans vos oreilles. Il y aura la lettre F, les fils de Tupu, et la lettre G, le Green Hour Band. Longtemps que j'ai pas entendu ça. Why would you kill this? Quel bonheur d'avoir un mari brillant. Assis debout, couché, assis du monde, du sol au plafond, assis. Ah, quelle erreur d'avoir un mari picoleur. Toujours sans surchigner, assis bourré, couché, résolument nu du sol au plafond, saliche. Thank you. Bloc de vieilles pièces des palmarès, c'est fou! C'est l'alphabet des palmarès. Ça, c'est la lettre G, The Green Hour Band et The Clock Tower's Request. C'était précédé de Fils de Tepu avec Bricoleur et de Elliot Broad avec Write It All Down For You. On va terminer avec une dernière pièce de l'alphabet des palmarès. Voici le H, Hot Springs et Fantômes Dinosaures. Hot Springs et Fantômes Dinosaures, un vieux classique des palmarès, c'est fou, ce qu'on appelle un classic gold hit. Il reste une bonne quinzaine de minutes à l'émission et avant le début d'Assemblage Requis avec Kiwan et moi, ça s'en revient dans pas trop longtemps. Dans cette émission-là, Assemblage Requis, aujourd'hui, on a une nouvelle chroniqueuse, Stéphanie Gagné, avec ses coups de cœur artistiques, culturels et autres, qu'ils soient musicales ou cinématographiques, qui s'appelle Ton plat favori. Ça va être dans l'émission de ce soir. Il va aussi y avoir une chronique humoristique de Fidon là dont la question. Mais ça, ce n'est que dans 15 minutes. Donc, après avoir fait l'alphabet des palmarès, on va retourner un petit peu dans ce qui, dans le fond, ce qui est plus proche de nous un peu, hein. C'est un petit peu plus récent, mettons. Donc, on va plonger dans le top 30 des CD. Il y a plein d'affaires là-dedans. On a entendu les trois nouvelles entrées. En fait, trois des nouvelles entrées hier. The Dojo Workhorse, Hot Little Rocket et Lake of Stew. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est regarder un petit peu ailleurs que ça. Parce qu'il y a encore plein de bonnes choses qu'on entend un petit peu plus souvent, mais avec des pièces qu'on entend un peu moins souvent. Hein? Bon, donc, on va écouter la formation Parlor Steps, qui est en position numéro 13 avec leur album The Hidden Names. Voici la pièce Little Pieces dans les palmarès C'est fou au 89.1 FM. C'est la Radio Campus de Trois-Rivières. Stay with me, hey. tight, but there was something between us. Just running scared.